effectivement. Et puis, il y a des moments, dans le fond, où c'est la franche rigolade, parce que bah voilà, il faut savourer la vie, il faut savourer le plaisir d'être là, et puis que toutes les difficultés qu'on rencontre, il faut savoir en rire. Et c'est vraiment le grand enjeu de cette aventure que je développe depuis quelques années, où je prends à bras-le-corps les questions de la société, mais j'oublie pas le plaisir du théâtre, le plaisir du spectateur, et d'une certaine manière, une grande simplicité sur le plateau, c'est d'abord la présence des acteurs qui compte. Il n'y a pas beaucoup de décors, il y a peu de choses, il n'y a pas beaucoup d'effets, et puis ils sont là, ils sont présents, ils nous emmènent, il y a une adresse très particulière, puisqu'ils parlent aux spectateurs, ils les emmènent avec eux, ils les interrogent même, et le public est pris dans ça, puis à un moment donné, quand il y a des retournements de situation très grotesques, alors finalement, on rit un bon coup, mais ça n'empêche pas que dans ce rire qu'on a eu, on a bien compris quels étaient les vrais enjeux, et les adolescents, ils sont extrêmement sensibles à ça, de même que le public adulte, parce que le public adulte, il aime bien aussi passer une bonne soirée au théâtre, même si on sait très bien que la fin peut être terrible, mais pas dans cette pièce-là. Merci, un grand merci Ahmed Madani. Je pense que vous avez éveillé suffisamment notre curiosité pour prendre rendez-vous pour le mardi 28 janvier, 20h30 à l'Antares à Vauréal. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup.